Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à la République. C'est parti. Salut Alessandra. Salut Lynn. Alors pour ce 23e épisode de Crépidule, une interview avec Rosangela Gramoni, qui est une figure de la militance féministe genevoise. C'est une magnifique témoin des mobilisations féministes qui ont eu lieu dans notre cher canton de Genève. Et puis pour nous, c'est un grand privilège parce que en fait, c'était l'occasion d'archiver, parce que vous savez comme on tient à cette notion d'archives, de récits qui sont situés en général en marge de l'histoire. Donc là, une occasion d'archiver l'histoire tout à fait personnelle, tangible et concrète du début du mouvement de libération des femmes à Genève. Oui, et avant de vous lancer l'interview, vous dire aussi qu'on vous donne rendez-vous le 27 octobre au Commun, dans le bâtiment d'art contemporain de Genève, pour une radio éphémère avec les Charmed Club, à l'occasion d'une exposition qui a lieu là-bas en ce moment. Donc 27 octobre, l'après-midi. Hein. Vous pouvez regarder sur Facebook et Twitter, on fera cuit-cuit. C'est parti! Alors Rosangela, on t'a demandé si il y avait un endroit que tu avais envie de nous proposer pour cette rencontre et tu nous as proposé le cimetière des rois. Tu veux nous parler un peu de ce lieu ? Alors j'adore le cimetière des rois, c'est d'ailleurs mon jardin puisque j'habite juste au-dessus, enfin mes fenêtres donnent sur le cimetière. Donc c'est mon jardin, donc je vous invite dans mon jardin. Et puis, je vous ai dit, on va se rencontrer près de la tombe d'Alice Riva, parce que c'est une écrivaine que j'adore. C'est une féministe, c'est une femme qui a travaillé toute sa vie. Elle a aussi écrit beaucoup, enfin pas beaucoup, mais moins que peut-être elle aurait pu écrire. Mais elle a aussi travaillé, elle gagnait sa vie, et c'était pas évident à l'époque. Voilà. Donc, c'est une femme que j'aime beaucoup et elle a une petite tombe très mignonnette. Voilà. Au moins, elle a accédé au rang de célébrité locale, vu que ce cimetière est exclusivement réservé à des personnes qu'on estime d'importance pour l'histoire du canton. Hein. Alors, comment te présenter ? On va peut-être commencer par situer le moment où on s'est rencontrés. C'était au mois de mars dernier. L'artiste Angela Marzullo présentait une exposition « Feminist Energy Crisis ». Et dans cette occasion, il y avait une table ronde qui, je ne sais plus sur quoi elle portait exactement, mais un sujet féministe. Et en fait, il y avait une chercheuse qui était là. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu veux raconter, toi ? Ça m'intéresse de voir comment tu l'as entendu, la chose. Alors, cette chercheuse évoquait les années 70 où il y a eu tout ce mouvement féministe de se réapproprier les connaissances sur son corps et notamment de retrouver la capacité de voir le col de l'utérus au moyen de spéculum, de miroir. Un moment incroyable que ces femmes ont vécu et qu'elles nous ont laissé en héritage. Et cette chercheuse nous a dit que quand elles se sont penchées sur leur trou, elles ont vu que du noir. Elles n'ont rien vu, a-t-elle dit. Ou il n'y avait rien. Voilà, il n'y avait rien. Alors là, ça m'a fait complètement éclater parce que comment rien ? Moi, j'y avais vu beaucoup de choses et c'était peut-être pas métaphysique ou que sais-je, mais c'était tout ce qu'il y a de plus matériel, mais c'était très beau. En plus, c'était esthétique. Alors, je ne peux pas dire que c'était rien. Alors, ça m'a vraiment fâchée et c'est vrai que j'ai réagi sans attendre le tour des questions de manière un peu brutale parce que ça m'est sorti comme ça, tellement j'étais choquée par ce genre de remarques. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça a vraiment fait une réaction dans le public, un peu un « oh ». Comme ça, en général. Et puis nous, on s'est rencontrés après parce qu'Alessandra et moi, il y avait aussi d'autres propos pendant cette table ronde qui nous avait un peu choqués ou énervés. Puis on s'était rencontrés après, puis on a commencé à discuter. Et puis nous voilà, donc ça c'était en mars, nous voilà quelques mois plus tard pour une rencontre podcastienne. Oui, parce qu'en fait, Rosangela, ce à quoi on t'invite aujourd'hui, c'est partager ton parcours qui est une illustration d'une histoire genevoise engagée. Donc, On te propose de suivre ces deux pistes, la tienne, vraiment incarnée et personnelle, et de l'associer à des événements qui étaient forts à Genève, dans ces mobilisations notamment féministes. Et on voulait commencer par te demander, c'est la manière dont nous on a commencé ce podcast, c'était d'évoquer nos éveils féministes, parce que je pense qu'on peut dire que tu te revendiques féministe. Oui, non, absolument, il n'y a pas photo, je suis féministe. Alors est-ce que tu veux bien nous partager comment ça s'est né en toi cet engagement ? Oh là, ça remonte à vieux, hein. Je pense que c'est avec mai 68, parce que... mai 68, donc j'étais pas à Genève, j'étais à Montréal, je faisais une maîtrise en biologie. Et puis évidemment, même l'Université de Montréal était un peu agitée à l'époque. C'est un mouvement quand même assez international, mai 68. Et puis j'étais dans un groupe mixte, donc il y avait aussi des hommes. Et puis on réfléchissait au capitalisme et tout ça, etc. Mais bon, après, je n'étais pas très satisfaite quand même. Donc, j'ai commencé à lire des livres de féministes américaines. C'était le Women's Lib qui déjà publiait pas mal de livres et d'articles. Et là, je me suis vraiment plongée dedans. Et puis, je me suis dit, mais c'est génial. Enfin, c'est-à-dire que ce qu'elle disait, moi, je n'y avais pas vraiment réfléchi en tant que telle. Mais j'ai vu que ma pratique était aussi féministe, sans le savoir. C'est un peu comme dans Molière, hein, je faisais de la prose sans le savoir. Là, je faisais du féminisme sans le savoir. Et puis, j'ai continué à lire. Et puis après, il y a eu cette rencontre avec une femme de Genève qui était en vacances, enfin qui passait par Montréal et qui revenait des États-Unis et rentrait à Genève, qui avait terminé ses études d'architecture, et puis elle avait fait un voyage et elle avait visité des groupes féministes, elle avait été rencontrer des groupes. Ah, on a beaucoup parlé là-dessus, et puis la suite, c'est l'histoire d'ici. Je vais juste te demander avant, déjà le choix de cette formation de biologiste, est-ce que c'était simple et évident à mener ? Je ne sais pas, parce que il me semble pas que... J'ai essayé de me poser plusieurs fois la question pourquoi j'avais fait la biologie, surtout qu'après j'ai changé de domaine, mais j'ai beaucoup aimé mes études de biologie, j'ai vraiment trouvé ça passionnant, et je ne sais pas comment j'ai choisi la biologie. Et comme j'étais bonne à l'école, enfin, je n'avais pas de difficulté pour suivre l'école, la voie était un peu toute tracée pour aller à l'Uni, même si moi, je venais d'un milieu ouvrier. Donc, ce n'était pas évident au niveau classe sociale, parce qu'à l'université, il n'y avait pas beaucoup d'enfants ouvriers. D'ailleurs, j'avais participé à une émission de Temps présent à l'époque. C'était d'ailleurs Michel Souter qui avait fait l'émission. Et comme j'étais en biologie avec son épouse, son épouse avait dû lui parler de moi et donc il m'avait contactée pour participer. Effectivement, à l'époque, dans les années début des années 60, il y avait très peu d'enfants d'ouvriers à l'université. J'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup plus à l'heure actuelle, malgré la démocratisation. Mais je ne sais pas, ça c'était quand même pas un truc difficile, hein. J'ai pas de souvenirs. Bon, faut aussi vous dire que je suis quelqu'un qui ne regarde pas trop dans le rétroviseur, hein. Moi, j'avance, hein. Et donc, les mauvais souvenirs, généralement, je les oublie. Je reste plutôt avec les bons souvenirs. Alors, je ne sais pas trop exactement ce qui s'était passé à l'époque, hein, mais en tout cas, je n'avais pas eu l'impression d'avoir des difficultés. Mais j'en sais rien, enfin, franchement. Hein. Ça, c'est le problème de la mémoire et la sélectivité de la mémoire. Si c'était difficile d'être biologiste. Alors, oui, à l'époque, il y avait beaucoup de garçons en biologie, mais il y avait aussi beaucoup de filles. Ça, c'était c'était pas les maths ou la physique ou la chimie. La biologie, ça attirait les filles. Et donc, par exemple, j'étais avec deux camarades de classe. Une était en biologie. Parce que la première année, c'était le même cursus que les médecins. Et elle faisait médecine. Bon, il faut dire qu'on était un peu ce qu'ils appelaient l'élite de la nation à l'école supérieure de jeunes filles à Voltaire, parce qu'il n'y avait qu'une école, hein, donc on n'était pas très nombreuses à ce niveau-là. Et puis, on était quand même destinées à faire plus ou moins des carrières en faisant l'école supérieure de jeunes filles à l'époque. Et alors, il y avait trois de mes camarades qui faisaient médecine. Donc des filles, parce que ce n'était pas mixte à l'époque. Et puis, on était deux à faire la biologie. Bon, en réalité, on était cinq de ma classe. Ça faisait quand même un gros pourcentage. On était 22. Mais alors, comment s'est passée la migration militante du Canada, de Montréal à Genève? Eh bien, ça, c'est le début du MLF, parce que c'était en 69. Peut-être juste dire pour nos auditeurs et auditrices, donc MLF, Mouvement de Libération des Femmes. Bravo, et pas de la femme. Donc, j'ai rencontré pendant l'été Suzanne, qui, comme je disais tout à l'heure, avait fait son voyage aux États-Unis, elle avait visité des groupes féministes. Et puis, en discutant... moi, je ne la connaissais pas. Moi, on lui avait donné mes coordonnées, donc c'est comme ça qu'on s'était vus. Et on s'est dit, moi, je rentrais à Genève, j'avais même commencé un doctorat, mais j'ai décidé que l'Europe me manquait, j'étais nostalgique de l'Europe, je ne supportais pas l'idée de faire ma vie au Canada, ce que j'aurais pu faire facilement, au niveau migration, immigration, il n'y avait pas de problème. Donc, j'allais rentrer en septembre et puis on s'est dit, on se donne rendez-vous. Elle m'a donné son numéro de téléphone. On se donne rendez-vous à la rentrée et puis on va voir ce qu'on va faire à Genève. Voilà, ça a démarré comme ça. Et puis, je lui ai téléphoné. Moi, j'avais pratiquement plus de copines à Genève. En 3 ans, j'avais perdu de vue, j'ai pas gardé de contact. Une qui était proche, elle était partie aux États-Unis. Elle avait aussi fait la biologie et puis elle était aux États-Unis. Non, mais on était plus que 5, on était 6 parce qu'on était 3 en biolo. Alors, excusez-moi, là, ça me revient. C'est incroyable quand même. Et alors, voilà qu'elle, elle a rameuté des potes à elle. Et puis, on s'est retrouvés dans l'appartement de je ne sais plus qui. Et puis, on a commencé à discuter. Ça a démarré comme ça, le MLF à Genève. Tout simplement dans une chambre, dans une pièce, à discuter, à se partager des lectures de bouquins. Et puis après, de se revoir pour mettre ensemble nos connaissances. On a acquis un peu des connaissances comme ça. Ouais, justement, moi, ça m'intéresse aussi cette histoire de quels sont les lieux où naissent les mouvements, enfin les luttes. Parce que, par exemple, il y a ce dictionnaire de Christine Bard qui vient de sortir, Histoire des féminismes en France, et qui parle justement du MLF en France, où elle se réunissait tous les 15 jours à l'école de Beaux-Arts de Paris, où c'était un lieu comme ça où se définissaient les mots d'ordre et puis les idées d'action. Mais que aussi, comme tu viens de dire, ça peut être des lieux beaucoup plus intimes chez quelqu'un, avec moins de monde. Enfin, je trouve ça aussi très intéressant. Puis Alessandra et moi, quelque part, tu vois, notre lutte naît aussi dans le micro, finalement. Enfin, c'est drôle, tous ces lieux différents comme ça. Oui, puis moi, je voulais te demander, quels étaient les premiers sujets en fait, de discussion? Eh bien, c'était, me semble, par rapport à la sexualité, à l'oppression, forcément, aux inégalités. Et je crois qu'il y avait ces deux axes. Il faut dire que je n'ai plus un souvenir très précis de nos lectures, parce qu'après, on a plutôt été dans l'action, puisque là, c'était fin 69 et qu'il y avait le... qu'est-ce que je raconte enfin, non, mais excusez-moi, je suis complètement mélangée avec les dates. Non, c'était fin 70, puisque 71, ça a été le vote des femmes au mois de février, je crois. Et donc, c'était nos premières actions sur le droit de vote des femmes. Donc, excusez-moi, c'est pas 69, vous effacez tout, c'est 70. C'était en tout cas, il me semble, plutôt des livres d'auteurs ou d'autrices américaines qui avaient été traduits en français, il me semble. Et pour revenir à ce que tu disais, Lynn, c'est vrai qu'on s'est d'abord, on est parti petit. Hein, on n'était pas dans la lutte mai 68 avec les amphis, plein de monde et tout. Hein, donc c'était déjà fin des années 70. Plus personne n'était à l'Uni, hein, notre groupe. Tout le monde avait déjà fait autre chose. Et donc, on a construit peu à peu. C'est-à-dire qu'on est devenu de plus en plus nombreuses. Et c'est là où, après, on s'est réunis comme au CUC, Centre universitaire catholique. Après, c'était le CUP, Centre universitaire protestant, avant d'essayer d'avoir un centre femmes. Donc, ça a grandi comme ça au fil des mois et des années. Et après, on avait effectivement des sous-groupes pas tellement formels. C'était informel, hein, tous ces trucs. Il n'y avait pas de trucs, des règles, des trucs et des machins. Donc, il y avait des groupes de discussion. Il y avait des groupes dits de conscience, les petits groupes. Après, il y a eu des groupes self-help, etc. Et puis, de temps en temps, il y avait des AG où tout le monde se réunissait. Mais je ne sais pas quelle était. Il n'y avait pas une fréquence fixe, quoi. C'était très spontex, hein, comme truc, hein. C'était pas du tout machin très cadré et très très bien délimité, enfin vraiment bureaucratisé, je dirais, hein. Ça veut dire que les femmes s'appropriaient une thématique et créaient un sous-groupe pour réfléchir plus particulièrement à cette dimension. Oui, c'est exactement ça, tout à fait. Parce que quand on lit maintenant des ouvrages plus théoriques sur les outils à penser féministes, comme par exemple Elsa Dorlin, qui a écrit un livre qui s'appelle « Sexe, genre et sexualité », elle parle justement de cette production de nouveaux savoirs féministes. Et les deux moyens qu'elle donne, c'est justement les groupes de conscience, dans l'idée de collectiviser les problèmes qui semblent individuels pour prendre conscience qu'ils sont inscrits dans une condition sociale commune. Et puis elle parle d'un autre terme qui me plaît beaucoup, elle parle des expertises sauvages. Et en fait, elle parle d'expertises sauvages pour dire que les féministes se sont constituées à la fois comme objet, donc comme sujet de réflexion, mais comme objet de réflexion et comme sujet d'analyse, et de devenir experte informée d'elle-même. Et ça, c'est des choses que tu peux identifier à l'histoire de la mobilisation féministe genevoise. Oui, alors tout à fait. Parce que pour nous, on revendiquait le fait qu'on est des femmes, donc on est experte de notre corps, par exemple. Plus que les gynécos qui ont appris ça de manière théorique. Et en plus, à l'époque, il n'y avait quasiment que des gynécos hommes. Donc, au niveau personnel, ils n'avaient pas trop d'expérience. C'était une expérience théorique. Et puis après, ils avaient fait toutes leurs études, enfin, et leurs pratiques sur des corps de femmes, mais ce n'est pas leur corps à eux. Donc, pour nous, on revendiquait le fait de pouvoir être notre propre... experte, voilà. Ouais. Ouais, je trouve intéressant parce que je pense que c'est encore aujourd'hui des enjeux très présents dans les luttes féministes. Hier, je suis allée boire des bières avec des amies. Et justement, une qui était très énervée contre le système médical et notamment contre tout ce qui est gynécologie, où elle se disait, mais comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour mettre en place un système qui permet aux femmes de trouver des gynécos qui ne se foutent pas de notre gueule, quoi. Et donc, c'est aussi très présent aujourd'hui et il n'y a pas encore des solutions trouvées. Enfin, moi, ma solution à moi, c'est la bouche à oreille, en fait. On crée ce réseau qui n'est pas forcément tangible, féministe, où on se passe l'info chez ce gynéco-là, ou cette gynéco, c'est safe. Je ne te conseille pas ce médecin, il est machiste. Enfin, c'est intéressant comme ça. C'est des questions qui restent aussi aujourd'hui. Oui, il y a un site, je crois, en France qui répertorie les gynécos, les médecins. Il y a aussi à Lausanne, mais à Genève, il n'y a rien. Ouais. Bon, peut-être lancer ça. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler de la où c'est devenu en fait tellement tangible qu'il y a ce dispensaire pour les femmes qui a été créé ? Alors, le dispensaire des femmes a été créé directement suite au mouvement dit self-help, auto-examen, qui nous venait des États-Unis. Parce qu'il y avait deux femmes américaines qui étaient venues Bon, alors les dates, vous oubliez, je ne sais pas, c'était 74 ou 73 ou 74, peut-être que vous savez mieux que moi, hein, parce qu'il y a les archives, mais franchement, là, ça fait bientôt, non, ce n'est pas un demi-siècle, mais presque. Donc voilà. Et là, on a travaillé spécifiquement là-dessus par rapport, en partant de nous, et puis après, évidemment, en lisant aussi tous les bouquins américains qui étaient « Our Body, Ourselves », qui a été traduit plus tard « Notre corps, nous-mêmes ». Et puis, plus tard encore, un petit peu plus tard, il y a eu ces magnifiques ouvrages où sur le clitoris, sur les parties, disons, sexuelles des femmes, génitales des femmes, qui étaient vraiment ignoré. D'ailleurs, ça l'est encore largement à l'heure actuelle, mais à l'époque, c'était encore pire. Donc, on est parti de ça, avec les spéculums aussi, de pouvoir se regarder, s'examiner, essayer de comprendre comment ça change au cours du cycle et tout ça. Et puis, après, de pouvoir offrir ça à des femmes, qu'elles puissent regarder elles-mêmes, c'est-à-dire aller chez le gynéco, la gynéco, enfin, au dispensaire des femmes, en l'occurrence, c'était pas forcément des gynécos, et puis de pouvoir mettre elles-mêmes leur spéculum, regarder, on leur expliquait, et tout ça. Donc, c'était des grandes découvertes, hein, pour chaque fois pour les femmes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez peut-être vu L'Ordre Divin, hein, évidemment, certainement vu, et quand il y a cette soirée à Zurich, lors de cette manif, et puis que cette femme, je ne sais pas si elle est suédoise ou voilà, et qui explique que effectivement le sexe féminin, ben, il a plein de formes différentes et tout et tout, et que tout le monde se dit, mais, enfin, d'abord elles ont un peu honte, puis après elles sont enthousiastes. Puis moi, ça, c'était pareil pour moi. Donc je me retrouvais tout à fait dans ce film. J'ai trouvé qu'il était très vrai là-dedans, parce que c'est vrai qu'en me regardant, je ne comprenais plus rien. En comparant ce que je voyais chez moi et ce que je voyais dans les bouquins, ça, je vous dis une chose un peu intime, mais en même temps, je trouve que c'est juste le dire. Ça va peut-être faire un tilt à des femmes qui écoutent. Je regardais, je me disais, mais j'y comprends rien. J'ai pas de petites lèvres. J'ai que des grandes lèvres. Mais il me manque quelque chose. C'est pas possible. Puis alors après, en regardant les autres et en comparant, j'ai vu que mes grandes lèvres, elles étaient quasi inexistantes et mes petites lèvres étaient absolument immenses. Ça faisait des ailes de papillon comme ça. Alors j'ai compris et je me suis dit, ben voilà, il y en a qui ont des très grandes lèvres puis des toutes petites lèvres. Il y en a que c'est l'inverse, il y en a que c'est entre les deux. Et tout, il y avait tout le continuum anatomique, quoi. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. Une révélation. Alors vraiment, parce que je croyais que j'étais anormale. Donc je me dis, il y a beaucoup de femmes qui doivent être dans cet état-là. Surtout que, disons, à l'heure actuelle, prendre un miroir et se regarder, c'est peut-être un moins tabou qu'à l'époque, parce qu'il faut aussi se replacer à l'époque. Mais peut-être qu'elles n'y comprennent rien. Et là, je trouve que chez les jeunes féministes, ça serait quand même intéressant de faire des groupes auto-examens, des groupes de conscience aussi, pas seulement des féministes, mais des femmes qui parlent, puis mettent à plat leurs problèmes pour voir que ce n'est pas leur problème individuel, vu qu'on est dans une société encore plus individualiste qu'à l'époque. Mais c'est vrai que ça, je pense, c'est aussi une marque d'un certain ou de certains mouvements féministes, c'est que c'est un savoir comme ça qui se crée à la fois de manière individuelle, mais qui, c'est comme si ça doit être partagé en groupe pour vraiment devenir fort et se mettre en mouvement. Après, j'avais une question, du coup, le dispensaire des femmes, comment vous communiquez un peu aux femmes autour de vous, de faire passer le message que le dispensaire existait et qu'on pouvait s'y rendre pour différentes occasions? Oui, alors donc le dispensaire des femmes est né officiellement, enfin la date d'ouverture, si je ne m'abuse pas, c'est le 17 mai 78, c'est ça? Bon, ouf, ça c'est resté, tiens. Mais c'était depuis 1976 qu'on se réunissait en groupe. les femmes qui étaient intéressées à créer le dispensaire des femmes. Au début, on était 15 ou 16. Après, on s'est retrouvés moins. Mais... Et ça, c'était sous l'impulsion de Rina Nissim, qui, elle, avait voyagé aux États-Unis. C'est toujours les États-Unis. Hein, pour le coup, là, c'était des bons exemples. Pas exactement comme maintenant. Elle avait visité des Women's Health Centers. Et donc, elle est revenue avec plein d'idées et puis elle a réuni des copines à elle qui étaient soit dans le mouvement féministe ou pas, et puis qui étaient intéressées à faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés et puis peu à peu construit cette utopie. Donc, ça a pris 2 ans, quoi. Mais, et attends, tu avais une question là ? Ah oui, on avait même eu des articles de journaux, enfin ça avait commencé, c'était assez original, donc ça a commencé à se savoir. Puis après les femmes de bouche à oreille, hein, elles disaient ah tu connais pas, etc., etc. Hein, et donc on s'est retrouvés, on n'a jamais eu problème de public, hein, en fait, des clientes comme on dit maintenant. Et donc, pas de problème de public ou de cliente, mais est-ce qu'il y a eu des problèmes de réaction opposée, disons, de réaction critique ou violente par rapport à votre organisation ? Bon, là, le problème, c'est que justement, j'efface pas mal les choses négatives. Mais certainement, parce que on s'était fait assez... je sais plus qui... On avait demandé une subvention, ou c'était nous, c'était un groupe de femmes, je sais pas, il y avait une pétition, je me souviens plus très bien. Et puis là, on avait entendu Pic-Pand, c'était tout juste si les pauvres n'allaient pas les tuer, hein, chez nous. Et le manque d'hygiène. Ah oui, il paraît que c'était un manque d'hygiène. Évidemment, on n'avait pas de charge gynécologique, c'était des lits. Mais enfin, on mettait chaque fois un linge qu'on lavait après chaque femme, enfin, j'ai dit. Alors, ça, c'est pour ça qu'on avait eu une manif après de soutien, où on voit une banderole qui est pour une hygiène poétique. Alors, effectivement, on avait entendu Pic-Pandre, mais à part ça, je veux dire, les femmes étaient très, très contentes. Ce n'est pas les femmes qui râlaient. Hein. Parce que moi, j'ai lu, je mettrai en ligne les références, il y a une historienne, Sylvie Brunière, qui a fait une étude sur le mouvement MLF à Genève, et puis elle évoque le terme d'usagère que vous utilisiez. Oui, absolument. C'est pour ça que je m'arrête en disant cliente, parce que c'est le terme à l'heure actuelle, alors que usager, usagère a toujours été pour des structures publiques. Hein. Mais ça, c'est avant le néolibéralisme. Et depuis que le néolibéralisme règne souverain, pour un petit peu, et peut-être pas si longtemps encore, espérons, c'est devenu des clients, des clientes. Hein. Alors, et puis, on n'avait pas envie d'utiliser le terme de patient. C'est patient, surtout que c'est pas Tior, hein, c'est pas des patients qui ont de la patience ou de l'impatience, c'est souffrir. Mais comme nous, on faisait beaucoup de prévention, on voyait aussi des femmes qui souffraient pas. Hein. Et par rapport à ça, j'ai vu aussi un élément que j'ai trouvé hyper intéressant. Je me demandais si c'était vous qui l'aviez mis au point, c'était les consultations tripartites. Alors, dans ce que j'ai lu de nouveau dans cette étude, les consultations tripartites étaient dans l'idée de casser une hiérarchie entre personnes sachantes et personnes ignorantes, et puis d'empêcher un peu ce phénomène d'adhésion que la personne ignorante pourrait avoir avec celle qui sait, puis de se rallier à son avis un peu sans autre. Et le fait de mettre... dans ce que j'ai lu, il y avait une usagère, une personne aux connaissances médicales et une autre personne qui n'avait pas forcément les mêmes connaissances médicales. Et la consultation se passait à 3 pour tiercer justement les décisions. Alors, c'est vrai que ça fait cet effet-là. Donc, c'est le tiers séparateur. C'est différent de la diade. Hein. Ça, on est d'accord. Mais c'était surtout parce qu'il y avait ce qu'on appelait les médicales et les non-médicales. Et donc, les non-médicales se formaient aussi avec les médicales. Hmm? Donc, on faisait des consultations à 3 pour ces 2 raisons. Hein. Ça, c'est vrai qu'il y avait cette raison, mais il y avait aussi la raison de l'info, de l'enseignement, de la formation. Et puis, à un certain moment, on avait vraiment beaucoup de monde qui venait au dispensaire, puis on ne pouvait plus faire des consultations à 3. C'était plus possible. Donc, mais comme on avait acquis assez d'expérience, on pouvait les faire à 2, enfin, l'usagère et une de nous. Voilà. Donc, ça a duré quelque temps, mais ça n'a pas duré tout le temps. Parce que justement, tu te dis que tu as fait une formation en biologie. Comment tu t'es formée sur ces savoirs plus spécifiques gynécologiques pour être... Tu étais dans une position de personne aux connaissances médicales ? Alors, ce qui concerne le microscope, oui, mais pas tellement pour le reste. J'ai aussi appris et j'étais capable de faire un examen gynécologique préventif, c'est-à-dire faire un toucher. Bon, ça, il y a prescription, hein, j'imagine, parce que c'était de la médecine illégale. Hein. Mais je peux le dire maintenant parce que voilà. Mais si quelque chose ne me paraissait pas normal, alors j'allais demander à une des médecins, parce qu'il y avait 3 médecins qui travaillaient avec nous. Et puis, je faisais, je vérifiais la flore vaginale, et puis je faisais le dépistage du cancer du col. Ça, c'est des actes que tout le monde peut apprendre, hein. c'est pas sorcier. Hein. Alors voilà, ça, moi, les examens gynécologiques préventifs et les petites infections vaginales, je m'en occupais. Mais j'ai aussi le conseil contraception, avortement, discussion tout genre, etc. Voilà. Mais je ne faisais pas les grosses pathologies. Enfin, on ne faisait pas non plus les grosses pathologies au dispensaire des femmes. Hein. On référait à d'autres. Mais si moi, je voyais un truc qui ne collait pas, donc j'allais demander de l'aide. Je change un peu de sujet, mais donc en tant que Suisse d'adoption, j'ai découvert sur le tard le scandale des fiches, donc qui a éclaté à la fin des années 80. Et j'ai découvert ça en fait plutôt à travers des amis dont les grands-parents étaient militants, soit féministes, soit par exemple qui sont allés partis se battre contre le franquisme en Espagne. Est-ce que c'est des choses que vous avez vécues aussi? Oui, bien sûr. J'avais une fiche, je l'ai demandée. Je ne sais même pas où je l'ai mise, mais voilà. Il y avait plein d'inexactitudes à part ça. Hein, je ne sais pas, c'était pas terrible, hein, terrible. Puis il y avait plein de caviardage, donc je ne sais pas très bien qui avait. Mais c'était évident. Et d'ailleurs, au manif, je rencontrais toujours un inspecteur, toujours le même, à qui je disais poliment bonjour. Et il m'a. Parce que j'avais été convoquée à la police et ils essayaient de me faire dire qui était sur des photos, des trucs à Lausanne. Hein. Oui, alors vraiment. Hein. Donc, en plus, comme j'étais à l'époque, j'étais pas suisse, c'était assez inconfortable, mais bon, j'ai quand même pas passé à la torture comme ça aurait pu se passer dans certains pays. Hein. Donc, soyons clairs que c'était pas difficile de rien dire. C'est. Mais moi, je suis celle qui reprend le fil quand toi, tu le détricotes. Et voilà, tu as travaillé combien de temps au dispensaire ? Alors, j'ai travaillé depuis pas tout à fait le début parce que je finissais ma thèse en biologie. Donc, j'ai dû commencer en 79. Ouais, 79, je pense. Et puis, j'ai travaillé jusqu'en 95. Mais après, il y a eu une crise. Et donc, il y a eu un cassage. Et c'est le Centre de santé des femmes, Rosa Canina, qui a continué, disons, le dispensaire des femmes. Alors, j'y ai travaillé depuis pas tout à fait le début et jusqu'à la fin. En 95, voilà. Parce qu'il y a un autre endroit où tu as travaillé par la suite, tu nous raconteras comment tu as fait la transition, qui s'appelle Viol Secours. Et j'ai vu, en fait, en regardant un peu l'histoire de cet organisme, qui est donc une association féminine et féministe, qui lutte et s'engage en faveur des femmes victimes de violences sexuelles, que l'histoire du dispensaire et l'histoire, les prémices de Viol Secours étaient liées. Oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, on est originaire du mouvement féministe, hein, toutes ces associations l'étaient. Viol Secours a été créé en 85 suite au viol collectif par la bande des pharaons de femmes squatters à Prénaville, donc aux eaux vives. Et j'étais membre de l'association, je payais ma cotisation. Mais justement, c'est lié pour moi avec le dispensaire, parce que quand le dispensaire a fermé ses portes à la fin de 95, j'étais au chômage. Pendant un peu plus de 2 ans, parce que là, je commençais à avoir un certain âge. Hein, j'avais 52 ans quand je suis arrivée au chômage. En plus, j'avais fait un boulot qui ne correspondait pas à mes papiers, hein, parce que d'abord doctorat de biologie où je n'avais pas exercé depuis si longtemps, c'est comme si j'avais rien. Hein. Et alors, bon, ben, je me suis débrouillée, j'ai fait des gains intermédiaires, j'ai même participé à un ouvrage sur la santé et à l'enquête suisse. Sur la santé et sur un volet femme de ça. Enfin, bref, et puis j'ai fait une formation d'art-thérapie, enfin, tout ça. Et tout à coup, au bout de 2 ans et 4 mois que j'étais au chômage où je désespérais, il y a une femme de viol secours qui était usagère du dispensaire du centre de santé qui me téléphone et qui me dit « Écoute, il va y avoir 2 postes vacants, tu ne veux pas postuler ?» Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en 98 à Viol Secours où je suis restée 10 ans et après j'ai pris ma retraite, j'arrivais à 64 ans. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fond, la vie a fait, ben, je trouve que la vie est bien faite, hein, parfois, et souvent même pour moi, en tout cas j'ai de la chance dans la vie, c'est que j'ai pu travailler dans des lieux féministes et un peu militants quand même, professionnellement. Et ça, c'est incroyable, quoi, je veux dire. C'est assez fou de pouvoir joindre ces deux choses, ses convictions et puis son gagne-pain. Malheureusement, on va bientôt devoir clore, mais on pense pas mal, en fait, au fait de prendre soin de soi dans l'exercice militant. Comment est-ce qu'on garde la niaque sans se détruire, en fait, à militer, enfin, parce que c'est aussi, notamment, j'imagine, dans des organisations comme Viol Secours, c'est quand même des thématiques ou des sujets ou des expériences qui peuvent être très dures, en fait, psychologiquement et j'imagine aussi physiquement. Donc, est-ce que tu as des conseils ou des stratégies comme ça, ou est-ce que c'est juste, tu vois, t'es de nature à tout confronter, je sais pas. Bon, c'est assez complexe. Hein. C'est vrai que je suis quelqu'un qui a pas mal d'énergie. Alors voilà. Mais des fois, je suis quand même démoralisée. Je dirais que prendre soin de soi, c'est souvent quand on se sent un peu fatigué ou c'est dormir suffisamment, par exemple, de bien manger. C'est très important, manger sainement donc. Alors ça, ça peut être l'objet d'une autre émission des crépidules. C'est très important. Ça fait de la niaque, entre autres. Mais aussi, ce qui fait de la niaque, c'est de travailler en collectif. Parce que si on est tout seul dans son coin puis qu'on commence à déprimer vu la situation, c'est un peu foutu. Hein. Donc, c'est très important d'avoir son cercle qui soutient dans une militance un peu collective et pas chacun dans son coin. Hein. Voilà. Pour moi, c'est ça. Enfin, je n'ai pas réfléchi à la question, mais c'est ce que je vois comme ça spontanément. C'est touchant comme cette notion de collective, elle est là depuis le début en fait, hein, de tout ce que tu nous as raconté. C'est quelque chose qui suit le fil de ton histoire. Hein. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, on ne peut pas faire une action militante et politique dans le sens large du terme tout seul. Je veux dire, les changements de société se passent collectivement. Alors, on peut bien chacun faire ses petits trucs dans son coin, mais ça ne va pas donner grand-chose. Hein. Et c'est vraiment la force du collectif, parce que ça, c'est pas A plus B plus C plus D, c'est l'addition de tout ça, mais ça fait un truc en plus, le collectif. Voilà. Enfin, dans la théorie des ensembles. Et est-ce que tu aurais un peu des conseils ou des questions pour les jeunes féministes d'aujourd'hui ou les mouvements féministes aujourd'hui ? Ou alors ça, des conseils, c'est pas à moi de donner des conseils aux jeunes parce que c'est aux jeunes de trouver leur voie à elles. Hein. Donc moi, je suis très contente quand il y a des... J'étais ravie de vous rencontrer là-bas en mars. Je me dis, waouh, des féministes, c'est super parce que... Qu'est-ce que j'ai entendu comme pendant des années, le féminisme s'est dépassé, c'est ringard, etc., etc. Et tout à coup, je découvrais 2 jeunes femmes absolument enthousiastes et féministes et qui se revendiquaient en tant que telles au lieu de toujours dire « Oui, enfin, d'avoir un discours féministe, puis après conclure « Oui, je ne suis pas féministe, mais... » Voilà, ça me rend mûre. Alors, vous, ce n'était pas le cas. C'était très bien. Non, moi, je n'ai pas de conseils. J'ai des conseils, disons, bien manger, bien dormir. Et puis surtout, ce qui est difficile, c'est de durer Hein. Donc, un groupe qui se rencontre, bah, il faut qu'il dure. Hein. Sinon, il fait un truc, puis après, ouf, c'est un feu d'artifice et puis plus rien. Donc, c'est important d'avoir fait ça, mais c'est la durée qui compte aussi. Et comme on, à l'heure actuelle, il faut toujours zapper sur des nouvelles choses, c'est difficile. Hein. Moi, franchement, je plains les jeunes à l'heure actuelle parce que avec toutes ces nouvelles technologies, ça bouffe un temps pas possible. Ça, on ne donne pas, ça en bouffe. Et on se sent ligoté. Et puis, on a l'impression qu'on est dans un vaste marécage, magma d'infos. Et puis, on n'émerge pas, quoi, je veux dire. Enfin, on ne sait pas où on est. Et je trouve ça assez compliqué. En tout cas, bon, ça, c'est peut-être mon âge, hein, mais je trouvais qu'à notre époque, c'était plus facile. Mais aussi, et là, on va devoir conclure, mais en fait, tes engagements actuels, ils sont nombreux. J'ai vu des traces sur Internet de prise de position par rapport à des renvois de personnes migrantes. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots ? Parce que je trouve que ça, c'est aussi puissant comme un engagement féministe et vraiment concerne les racines même des discriminations. Oui, en tant que femme qui a été discriminée et qui l'est encore, c'est clair que je suis sensible à peut-être pas toutes les discriminations, parce que des fois, on n'en voit pas. Il y a des angles comme ça à mort. Donc, si on peut m'en faire remarquer, je suis toujours ravie. Mais il faut dire aussi que j'ai 73 ans, j'ai quand même moins d'énergie que je n'eus. Et je fais beaucoup de choses culturelles, parce que je fais de la danse, je fais du théâtre. Et je vais beaucoup voir des spectacles et voir du théâtre. Donc, je fais du spectacle et je vais au spectacle. Donc, ce n'est pas très militant, ça, je dirais. Mais c'est vrai que j'essaye de réagir quand il y a des choses qui me déplaisent. Ou bien même, tout simplement, mais ça, c'est individuel. Si j'entends des gens qui me prennent à témoin dans une queue à la poste ou à la Migros sur un truc d'extrême droite, moi, je réponds. Je lui dis, mais je ne suis pas d'accord avec vos idées. Donc, il ne faut pas chercher mon accord. Il faut des trucs comme ça. C'est un peu réagir et pas fermer sa gueule parce qu'on a peur de déranger, quoi. Mais je dirais pas que j'ai un engagement vraiment militant à l'heure actuelle. C'est plutôt vous qui l'avez. En tout cas, merci beaucoup parce qu'effectivement, ton temps est fort précieux. Tu as plein d'engagements. Merci infiniment de nous avoir consacré ce moment sur ce banc dans cette journée magnifique. Éline, tu veux... Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Je vois que Crépidule est anti-agiste et tout à fait, aime la diversité, voilà. Et puis, d'ailleurs, je trouve que votre pod, ça s'appelle un pod, non ? Votre podcast, il est très intéressant et puis aussi très culturel. Alors, j'aime bien aussi cet aspect, voilà. Alors, bravo et puis continuez sur cette bonne lancée. Hein. Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour prolonger la réflexion sur les thèmes abordés, vous pouvez vous balader dans le post-pod sur le site crépidule.com. Vous y retrouverez également nos autres épisodes à écouter, aussi sur iTunes.